les dents et je parle vite. Je posais mon flash sur toi, il est tombé sur le pare-brise. C'est ce que je dirais quand on me dit de pas le dire. Parce que ton cubitus, ça refait des parodies. Paradis et l'imagine, on dit que l'enfer c'est les flammes. Et tu veux vraiment savoir? On m'a même dit que le chétan c'est les femmes. Et si ça touche à la famille, je peux répondre avec les armes. Au quartier c'est la crise, dans le camp qui sont à moi. Quand ton billet bleu pour le sortir quand il y a la mine. C'est la mouise, c'est un traité, c'est la bise. C'est la mouise, c'est un traité, c'est la bise. Je traîne avec le même depuis petit. J'ai pas changé, je côtoie toujours la même petite. J'étais bon petit, j'aurais toujours le charbon au quartier, j'fumerais le même shit. J'rappais l'adversaire, c'est à elle, il est choqué comme une bagarre un jour d'anniversaire. Comme une bagarre un jour d'anniversaire. Comme une bagarre un jour d'anniversaire. Mon pote me dit si j'en essaie de m'écrire. J'fume beaucoup, j'fais du sport, j'essaie de maigrir. J'aime pas les interviews d'un métier, j'préfère décrire. J'peux avaler ce qu'ils m'ont fait, j'en ai des aigreurs. Y'a rien, d'amour, tu le sens. Personne n'est parfait, tu le sais. Non, y'a plus le temps, je suis mort, plus le temps. On me dit que je vais pas tuer. On me dit là t'as pas tout. Avant de parler, sois dans tout. J'parle pas mal, on va me censurer. Qu'est-ce que c'est hardcore, j'écoute le parterre. J'fais le petit sortie de moto dans le parterre. A quoi il sert ton calibre, tu t'arrêtes dans le chargeur. Dans le game ça fait 3 ans, on me dit que j'ai pris de la largeur. Ton rappeur c'est mon pote, vends moi critique pas. Ce que tu penses, je m'en tape, tu l'aimes pas, me le dis pas. En tant que BDH, anti-mec qui me contente pour le buzz. J'ai presque tout dit, j'ai plus quoi faire mon cerveau, faut que je creuse. J'écoute pas vos musiques, que vous faites que bon buzz. Trahis pas la Honda, dans le moment c'est la logique. J'parle avec des filles de quartier et j'attire les chics. J'traîne avec mon quartier et les petits pendant le flic. J'suis un ancien joueur avec les plays, j'ai pas encore l'analogique. Devant le cross au cric, direct sur le pic. Quand mes potes me claquent à goules, direct sur le fric. Ambiance électrique, j'fais danser la France, j'fais danser l'Europe, j'fais danser l'Afrique. Toujours la main sur mes couilles comme si j'avais un tic. Ouais j'étais un chien dans le quartier, ouais j'voulais des sticks. Y'a de la haine, de l'amour, tu le sens. Personne n'est parfait, tu le sais. Tu sens, non y'a plus le temps. J'reste chez moi, plus le temps. On me dit que je vais pas du tout. On me dit là t'as pas tout. Avant de parler, sois dans tout. J'prends pas mal, on va me censurer. Avant de parler, sois dans tout. Avant de parler, sois dans tout. Avant de parler, sois dans tout. Avant de parler, sois dans tout. Avant de parler, sois dans tout. Avant de parler, sois dans tout. Avant de parler, sois dans tout. Avant de parler, sois dans tout. Y'a de la haine, d'amour, tu le sens. Personne n'est parfait, tu le sais. Je suis mort, plus le temps. On me dit que je vais pas tuer. On me dit là t'as pas tout. Avant de parler, sois dans tout. J'parle pas mal, on va me censurer. Y'a de la haine, de l'amour, tu le sens. Personne n'est parfait, tu le sais. Tu sens, non y'a plus le temps. Je suis mort, plus le temps. On me dit que je vais pas durer. On me dit là t'as pas assuré. Avant de parler, sois dans tout. J'parle pas mal, on va me censurer. Avant de parler, sois dans tout. Avant de